بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فخيرون الله عز وجل، c'est notre deuxième assise autour de cet épître, de cette risala, de son éminent Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wa ghafara lah, wa askanahu fasiha jannatih, dont le titre est « Durus al-muhimma li'ammati al-umma », les cours importants pour le commun de la communauté. Et comme disent les hommes de science, s'ils sont importants pour le commun de la communauté, obligatoirement ils sont importants pour le demandeur de science. Il doit aller savoir, parce que dans cette risala, comme je le disais tout à l'heure, Cheikh Hafidhahullah a cité un certain nombre de versets, un certain nombre de sourates dans le premier cours, et il a partagé en plusieurs cours, et le deuxième cours, il l'a réservé aux piliers de l'islam, et après les piliers de la foi, et ainsi pour les conditions de la prière, les obligations de la prière, les sunnahs de la prière, et ainsi de suite. Et tout ceci est très important de le maîtriser et d'avoir ses preuves avec. En ce qui concerne les conditions de la ilaha illallah, les conditions de Muhammad et le messager d'Allah, en ce qui concerne les conditions de la prière, ses obligations, et ainsi de suite. Et donc, moi je vais partager la risala en deux. Donc j'ai commencé avec le premier cours où nous avons vu un certain deux sourates, sourate al-Fatiha et sourate al-Zalzala. Et pour la deuxième partie, je la réserve aux piliers de l'islam, et à laquelle nous allons traiter aujourd'hui du premier pilier de l'islam, qui est l'attestation de foi. يقول الشيخ رحمه الله الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. إن الله عز وجل dans ce deuxième cours, Cheikh commence ainsi les piliers de l'islam, c'est de montrer c'est quoi les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam. Et le plus important, l'attestation qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, en expliquant sa signification, en montrant et en expliquant ses conditions, les conditions de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? La négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire confirmer l'adoration tout simplement uniquement Allah subhanahu wa ta'ala sans associer. Frère en Allah Azza wa Jal, comme tu le remarqueras avec moi, ce sont des choses que les hommes de science ils répètent. Pourquoi ils les répètent? Pourquoi cette répétition? Parce que les hommes de science le répètent pour que ça se confirme, que ça s'ancre et que ça rentre dans l'esprit des gens et que ça s'enracine dans leur cœur. Et cette répétition, il est dans le Coran aussi. Et notre messager, alayhi salatu wassalam, répétait les choses à ses compagnons pour que ça se confirme dans leur esprit et que ça s'ancre dans leur esprit et dans leur cœur. C'est pour ça que les pieux, ridwanullah alayhim, ainsi que les hommes de science, ne cessent de répéter. Pourquoi? Pour que ça s'ancre, qu'on puisse comprendre, mettre en application, assimiler. Hein? Je dis pour ce qui concerne la ilaha illallah, ce que disent les hommes de science, c'est de croire et de confirmer qu'il n'est que seul Allah est digne d'être adoré. Et se cramponner à ceci et le mettre en application. La ilaha illallah n'est digne d'être adoré qu'Allah. Il faut le croire, il faut le confirmer, il faut l'approuver, approuver et croire. Et comme quoi n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et se cramponner à ceci et le mettre en application. Le fait d'adorer Allah uniquement et de ne pas lui faire d'associer, ça c'est la signification de la ilaha illallah. Et il est dit dans le verset, Isa fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sourate Muhammad, verset 19. Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Et repens-toi de tes péchés. Et tu remarqueras ici, comme là, la cité, hein, l'imam Bukhari, rahimahullah, qu'il a commencé dans le verset avec le savoir. Et sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Ada prier eu l'acte et repens-toi de tes péchés. Le savoir avant tout. Yani, i'lam annahu al-mustahiq lil-ibada. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré, est le seul qui mérite notre adoration. Et l'adoration ne doit pas être vouée à quelqu'un d'autre qu'Allah, car il ne la mérite pas. Allah, c'est le seul auquel nous devons réserver le culte exclusivement. Et les piliers de la ilaha illallah, ikhwat al-islam, il faut les assimiler, il faut les connaître. C'est, il a deux piliers principaux, an-nafyu wal-itbat, la négation et l'affirmation. La négation, quand on dit la ilaha, n'est digne d'être adoré. Ça, c'est la négation de tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. C'est ce qui annule toute forme d'associationnisme. Et c'est ce qui implique et qui rend obligatoire le fait de croire, de mécroire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De mécroire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'affirmation dont illallah n'est digne d'être adoré qu'Allah. C'est-à-dire, on confirme l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme quoi ne mérite l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la signification de la ilaha illallah, cette négation et cette affirmation, il y a donc beaucoup de passages dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sourate al-Baqara, verset 256. Hein? Et la signification de la ilaha illallah, comme quoi la signification des deux piliers de la ilaha illallah, de la négation et de l'affirmation, sont dans beaucoup de passages dans le Coran. Et celui qui mécroit en Tarot et qui croit en Allah. Mécroit en Tarot, c'est la signification du premier pilier, la négation, la ilaha. Wa yu'min billahi, croit en Allah, c'est la signification du deuxième pilier, qui est croire en Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Celui-ci qui mécroit en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, ça veut dire la ilaha illallah. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le deuxième pilier, ça veut dire que l'adoration doit être réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Surah Zukhruf, versets 26 à 27, إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Et dans Sourate Zukhruf, versets 26 à 27, wa alaykum salam wa rahmatullah. Je désavoue tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, disait Ibrahim et son peuple, sauf celui qui m'a créé et qui va me guider. Hein? Sauf celui qui m'a créé et qui me guidera, et qui va me guider, et qui me guide. Je désavoue tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Ça veut dire la ilaha, sauf celui qui m'a créé, illallah, c'est-à-dire que mon culte je le réserve exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que dans beaucoup de passages du Coran, on a les preuves et la signification de la ilaha illallah, les preuves des piliers de la ilaha illallah. Wa ma'na shahadat anna Muhammadan Rasulullah, et la signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, c'est comme il a dit Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdullah, rahmatullahi alayh, dans l'Usul Talata. Lui obéir dans ce qu'il a ordonné, et de prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé, et d'éviter de s'éloigner tout ce qu'il nous a interdit, et les choses dans lesquelles il a émis un avertissement, et que Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Et Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré. Ça veut dire que nous devons suivre Mohammed alayhi salam. Nous devons lui obéir. Nous devons prendre comme véridique ce qu'il nous a annoncé et éviter tout ce qui nous a interdit et les choses, hein, sur lesquelles il a émis un avertissement. Ça, c'est la signification de Mohammed et le messager d'Allah. Donc l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam découle de l'obéissance à Allah. Ils vont de pair. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dans Surah Al-Imran, verset 31, dites si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول. Et dans Surah Al-Imran, verset 32, dites obéissez à Allah et au messager. Et le fait de prendre comme véridique ce que nous a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que nous a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est arrivé au peuple avant, qui est arrivé à nous, à Shu'aib, etc. Et ce qui va arriver après ce qui nous a annoncé pour les choses du futur, ce qui va se passer en ce qui concerne les choses de l'invisible, c'est une obligation de prendre comme véridique tout ce qu'il nous a annoncé. Il nous a annoncé Sirat que nous devons y passer, il faut y croire, la mort va être égorgée en forme de mouton, c'est véridique, et ainsi de suite. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que dans la tombe, il y a le châtiment, hein, où il y a les délices de la tombe. Il faut y croire, ça fait partie des choses. Il nous dit caractéristique des croyants, c'est qu'ils croient en l'invisible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a annoncé dans le Coran, et que leur a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui nous a interdit, nous devons l'éviter. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et tout ce qui nous a ordonné de délaisser et ce qui nous a interdit, nous devons nous abstenir, alayhi salatu wassalam, de tout ce qui nous a interdit. Ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez, mettez en application ce qu'il vous a ordonné. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous. Sourate Al-Hashr, verset 7. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith authentique, il dit, quand je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez de la chose. Et quand je vous interdis quelque chose, évitez-la. Et s'il emploie le terme ijtanib, ça veut dire, tu dois en être loin. C'est encore plus que le fait d'interdire. L'ijtinab, c'est de s'éloigner, de s'éloigner de tous les moyens qui vont nous faire tomber dans ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et qu'Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'il a légiféré le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les deux conditions de l'acceptation des actes, c'est l'une des conditions, c'est le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas son ordre, il lui sera rejeté à l'islam. Et celui qui innove dans notre hadith, hein, une œuvre, hein, qui n'est pas, il ramène une nouveauté dans la religion d'Allah, il sera rejeté aussi. Donc, de là, nous comprenons que ça veut dire, Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit, et qu'Allah ne doit être adoré qu'avec ce qu'a transmis, ce qu'a légiféré Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est pilier de la ilaha illallah. Les piliers de la ilaha illallah, les hommes de science, ils sont au nombre de deux. Le fait de reconnaître et de prendre comme véridique le message qu'a ramené Muhammad alayhi salatu wassalam. De le prendre comme véridique. Deuxièmement, de croire que Muhammad alayhi salatu wassalam est un être humain. Et que c'est un soumis à Allah. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, certes, je ne suis que le serviteur d'Allah, dites, serviteur d'Allah et son messager. Nous ne devons pas l'élever au-delà de sa place, alayhi salatu wassalam. Nous ne devons pas lui réserver les particularités de l'adoration qui ne sont dues qu'à Allah, ou croire que le messager d'Allah, il croit en l'invisible, il connaît l'invisible, ou qu'il donne le bien, ou qu'il donne le mal, hein? Allah subhanahu wa ta'ala a désigné son messager alayhi salatu wassalam comme quoi il est son serviteur, il est soumis à Allah. Dans le Coran, il l'a désigné ainsi, dans des places honorables. Et pas comme certains, comme le mufti de Turquie, hein, qui a dit, hein, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la lumière d'Allah. Et Cheikh Humayyid, quand il a débattu avec lui, il a dit alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est morte. A'oudou billah. Hein? Et donc il est le serviteur d'Allah, il est le soumis à Allah, il est le messager d'Allah. Donc deux piliers à l'attestation, disent les hommes de science, L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, c'est de reconnaître sa risala et de la prendre comme véridique. Deuxièmement, de croire qu'il est un être humain, un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, au sens large du terme, et dont la plus grande soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, il était alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala le désigne dans le Coran comme ceci. Dans Sourate Al-Furqan, verset 1. Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan ala abdih. Béni celui qui a descendu le Coran sur son serviteur. Ainsi il l'a désigné, alayhi salatu wassalam. Au moment le plus honorable, au moment le. Quand il reçoit la révélation, il l'a désigné comme quoi il est son serviteur. Dans Sourate Isra, l'ascension. Subhanalladhi asra bi'abdi. Au plus noble moment où Allah subhanahu wa ta'ala fait faire le voyage nocturne, il a élevé son messager vers les sept cieux. Il a dit gloire à celui qui a fait l'ascension de son serviteur. Il l'a appelé son serviteur. Et au moment de la prière, au moment du dua, وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ Et au moment, dans Sourate Al-Jinn, verset 19, au moment où il prie le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fait des dua, où il appelle vers Allah, quand le serviteur d'Allah s'est élevé pour lui demander et pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخي الإسلام et quand الشيخ de nous dire nous revenons au texte du Cheikh Ibn Baz رحمة الله عليه يقول وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَهِيَ الْعِلْمُ الْمُنَافِي لِلْجَهْلِ وَالْيَقِينُ الْمُنَافِي لِلْشَكِّ وَالْإِخْلَاصُ الْمُنَافِي لِلْشِرْكِ والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد تامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء وقد كلها وفي نسخة من الأوتان قد كلها Nous revenons au texte que nous étudions. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit les conditions de la ilaha illallah sont la science qui est le contraire de l'ignorance, la certitude qui est le contraire du doute, la sincérité qui annule l'associationnisme, la véracité qui est le contraire et qui annule le mensonge. L'amour qui est le contraire de la détestation. Se conditionner pour la ilaha illallah, se soumettre aux conditions de la ilaha illallah, aux obligations de la ilaha illallah qui est le contraire du délaissement. L'acceptation de la ilaha illallah, de ses obligations et de ce qui découle de la ilaha illallah qui est le contraire du rejet. Et la huitième, le fait de mécroire en ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont été réunis dans deux vers, dans un poème. Inch'Allah, quand vous aurez l'arabe, on vous le redictera et vous l'apprenez directement en arabe. Barakallahu fikum. Fa, la ilaha illallah, comme disent les hommes de science, frère Allah, Azzawajal, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé, il a des dons. Et les dons de la et les conditions de la ilaha illallah, ce sont les clés du paradis. La première condition qui est la science, qui est le contraire de l'ignorance. L'exemple de l'ignorance en la ilaha illallah, c'est quand certains disent la rabba illallah, il n'y a de seigneur qu'Allah, ou ils disent il n'y a d'adoré qu'Allah. Et celui-là, il a authentifié ce qui s'adore en dehors d'Allah. Ou l'autre qui dit, il n'y a pas de sevrant en vérité qu'Allah. Ça, ce sont tous l'ignorance et des mauvaises compréhensions de la ilaha illallah. Car ceux-là, ils ont réservé tout simplement la seigneurie à Allah subhanahu wa ta'ala al-rububiyya. Ou quand ils disent, ni de créature qu'Allah. Il n'y a qu'Allah qui donne la subsistance. Tout ça, c'est le monothéisme de la seigneurie. Mais ça ne suffit pas. Car sa réelle signification, comme disent les hommes de science, « La ma'bouda bihaqqin illallah » ni digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là la réelle signification. Wa rahimallahu Cheikh Mohamed Abdelhab, il dit, « Wa qabbaha Allahu man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli l'islam » أي أبو جهل هو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله ولم يقلها. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كوك الله سبحانه وتعالى لوي دول في الفردوس الأعلى يجي كيل سوا بلامي وكيل سوا مودي celui que il est plus ignorant qu'Abu Jahl en ce qui concerne le fondement de l'islam, c'est-à-dire il ne connaît pas la signification de la ilaha illallah, alors qu'Abu Jahl il la connaissait, il ne la disait pas parce qu'il savait ce que ça impliquait, que ça doit anéantir tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Fa, la condition la première qui est la science, il faut connaître la signification de la ilaha illallah, il faut connaître et maîtriser et savoir la négation qu'il y a dans la ilaha illallah et la confirmation qu'il y a dans la et l'affirmation qu'il y a dans la ilaha illallah. La preuve c'est quoi? La preuve il est dans sourate Muhammad, dans le Coran directement, verset 19. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Il sache qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. وقال تعالى إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et dans sourate Zukhruf, verset 86, sauf ceux qui ont attesté la vérité, et ici le terme vérité ça veut dire la ilaha illallah, en sachant, en ayant la science dessus, en ayant la science sur la ilaha illallah. Ils ont attesté avec leur cœur ce qu'ils ont dit avec leur langue. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, le hadith de Uthman, radiyallahu anhu arda, celui qui meurt en ayant le savoir sur la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Celui qui meurt en connaissant, en sachant ce que ça veut dire la ilaha illallah, rentrera au paradis. Beaucoup de gens disent la ilaha illallah avec leur langue, mais ils ne connaissent pas sa signification. C'est pour ça qu'ils tombent dans le shirk. Ils font la prière, ils disent la ilaha illallah, ils vont immoler pour les tombes, ils vont sacrifier pour les tombes, ils vont voir les sorciers, les devins, les charlatans. Et à l'époque des prophètes, les associateurs savaient ce que ça veut dire la ilaha illallah. Est-ce que ça signifie la ilaha illallah? Est-ce que ça implique? Est-ce que ça comporte? Il est dit dans le verset de Sourate Sad, verset 5, أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Dans ce verset, il dit, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule divinité? Ceci est une situation extraordinaire. Il savait ce que ça veut lui dire, la ilaha illallah. La deuxième condition, c'est la certitude. La certitude qui annule le doute et qui est le contraire du doute. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah, il faut qu'il ait la certitude sur la signification de la ilaha illallah. Et dans son cœur, il ne doit pas avoir de doute. Il ne doit avoir que la certitude sur la signification de la ilaha illallah. Sinon, la ilaha illallah ne va pas lui être bénéfique. Il ne doit pas avoir de doute sur l'unicité d'Allah, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans l'adoration, que le culte lui doit être réservé, que ce soit dans les noms et les attributs. Il ne doit pas avoir de doute sur la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, sur ce que nous a annoncé le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas avoir de doute sur le fait qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré, et qu'il doit être adoré qu'avec ce qu'a légiféré son messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants ainsi: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Sourate Al-Hujurat, verset 15, ils sont décrits, les croyants sont décrits ainsi. Certes, les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager, et ils n'ont pas eu de doute. Et le doute, c'est le contraire de la certitude. Donc, ils avaient, s'ils n'ont pas douté, ils ont la certitude. Ils avaient la certitude complète. Quant à celui qui a du doute, c'est une situation très dangereuse, car il peut être dans la catégorie des hypocrites. Dans Sourate Tauba, verset 45, il est dit: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Dans Sourate Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains qui ont demandé l'autorisation de s'absenter lors de la bataille du Tabouk. Ceux qui te demandent de l'autorisation de s'absenter et de ne pas aller à cette bataille ne croient pas en Allah, dit le verset, ni en le-delà. Dans leur cœur, ils ont des doutes. Ils sont en train de patauger. Ils sont dans l'hésitation avec leurs doutes. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu arda, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Tout serviteur qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec, ou n'ayant aucun doute là-dessus, il rentrera au paradis. Ou n'ayant aucun doute, il a dit alayhi salatu wassalam. Et Abu Huraira a rapporté aussi dans le hadith rapporté par l'imam Muslim que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand il lui a donné ses chaussures: les personnes que tu rencontres derrière ce mur, derrière ce jardin dans lequel était Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah, en ayant la certitude dans leur cœur pour la ilaha illallah, annonce-leur le paradis. Et la troisième condition à l'islam, la sincérité qui annule l'associationnisme et qui est le contraire de l'associationnisme. Car cette parole qui est la ilaha illallah ne peut pas servir à celui qui l'a dite sans sincérité. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة verset 5 il dit: il leur a été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah. Et l'associationnisme annule tout, qu'il soit l'associationnisme dans la seigneurie, dans les noms et les attributs, ou dans l'adoration. Donc la sincérité annule toute forme d'associationnisme, qu'il soit dans la seigneurie, dans le rububiyya, ou qu'il soit dans les noms et les attributs, ou qu'il soit dans l'adoration. Il y a Abu Huraira dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari de dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui vont être réjouis de mon intercession, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ceux qui disent la ilaha illallah sincèrement dans leur cœur, ceux qui disent la ilaha illallah avec sincérité dans leur cœur, ceux-là vont être réjouis de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari de Utban, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, et qu'il agré tous les nobles compagnons de Allah alayhim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'enfer, le feu de l'enfer, à celui qui dit la ilaha illallah voulant avec la face d'Allah. La sincérité à l'islam est quelque chose de très important. La quatrième condition à l'islam, c'est la véracité qui est le contraire du mensonge. Il est obligatoire que la personne, quand il dit la ilaha illallah, il doit la dire véridiquement de son cœur. Il ne doit pas être comme les hypocrites qui l'ont dit en apparence ou la rejetant dans leur fort intérieur. Il doit être véridique dans ses paroles, dans ses actes et dans ses croyances. Il est obligatoire d'avoir la véracité dans ces trois choses importantes qui sont les croyances, qui sont les actes et qui sont les paroles. Et la véracité doit être avec Allah, avec les serviteurs d'Allah. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Et dans le verset, il dit, celui qui a ramené la vérité, Muhammad alayhi salatu wassalam, et qui a cru en cette vérité, Abu Bakr alayhi salatu wassalam. Et dans surat Al-Ankabut, il dit, au début, verset 1, أَلِفْ لَا مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَكُوا وَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Il est dans le début de l'araignée, verset 1, Alif Lam Mim, est-ce que les gens croient qu'ils ne vont pas être perturbés quand ils vont dire, nous avons, quand ils vont croire? Et pourquoi cette épreuve pour que apparaisse celui qui l'a dit véridiquement, qui a cru véridiquement, de celui qui ne l'a pas? Hein? Celui qui ne l'était pas? Et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu arda, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, de rapporter du messager alayhi salatu wassalam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout un chacun qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager, avec véracité dans son cœur, Allah l'interdit au feu de l'enfer. Avec véracité dans le cœur, Allah l'interdit au feu de l'enfer. D'où l'importance, frère en Allah, Azza wa Jal, de regarder ce qu'il y a dans nos cœurs et de maîtriser les conditions de la ilaha illallah pour baser nos adorations sur ces conditions pour que nous arrivions devant Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée. La cinquième condition à l'islam, l'amour qui est le contraire du fait de détester. Et de la détestation. Et de la haine. Il est obligatoire d'aimer cette parole. Et d'aimer la signification de cette parole. Et d'aimer les obligations de cette parole. Et d'aimer les gens qui mettent en application cette parole. Aimer cette parole, la parole sublime de la sincérité de l'islam, la ilaha illallah. Aimer sa signification, ses obligations. Et les gens qui la mettent en application les aimaient aussi. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. Il est dit dans le verset dans sourate Al-Baqara, verset 165, ceux qui ont cru ont un amour très fort pour Allah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Et dans Surat Al-Ma'ida, verset 54, il est dit, « Ô vous qui avez cru, celui qui apostasie de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener d'autres peuples qui vont l'aimer, et Allah subhanahu wa ta'ala les aimera. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons aimés min Allah azza wa jal. » Et l'amour, il faut que tu aimes Allah et tu n'aimes pas autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu vas tomber dans l'amour associationnisme. Et après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vient directement l'amour du messager alayhi salatu wassalam et des nobles messagers aussi, car Allah il a ordonné de les aimer. Le fait d'aimer quelqu'un comme l'amour d'Allah, on tombe dans un grand associationnisme. Et le fait d'aimer Allah, l'amour qui est dû à Allah, c'est la plus, l'urwa al-wutqa, c'est la plus, le plus fort, la plus grande et forte once de la foi. Et il y a aussi l'amour naturel, qui est le fait d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants. Mais il ne doit pas mettre en avant par rapport à l'amour d'Allah et à l'amour de son messager, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, l'amour d'Allah et de son messager doit être au-dessus de tout. Et l'amour naturel doit venir après. Le fait de se conditionner, la sixième condition, c'est le fait de se conditionner pour la ilaha illallah. Et deux, d'être dans l'obéissance. Il a mis en application. Et de rien, et de ne pas être dans les délaissements des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire d'obéir et d'être soumis à, aux obligations de la ilaha illallah parmi les actes et de mettre en application les actes apparents et les actes du cœur aussi. Il est dit dans le verset « Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah » dans Zumar, verset 54, « Revenez vers votre souverain et soumettez à lui, c'est-à-dire obéissez-lui, obéissez aux ordres d'Allah. » Et il est dit dans l'autre verset, dans Surah An-Nisa, « Fala wa rabbika la yu'minun, hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. » Surah An-Nisa, verset 65, il est dit, « Par ton souverain, ils le croiront, c'est-à-dire, ils n'auront la foi complète que jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans tous les problèmes qu'il y a entre eux et qu'ils trouvent rien à redire. » Quand la sentence tombe, quand ta sentence tombe et qu'ils se soumettent complètement. Soumission totale à Allah. Soumission et obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. La septième condition, c'est l'acceptation qui est le contraire du rejet. Il est obligatoire pour nous d'accepter les obligations de la ilaha illallah. Et ce qu'implique cette parole, comme le fait de réserver qui est le fait de réserver le culte exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a dit, il n'accepte pas que le culte soit réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné comme ceci. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Safat 35 à 36. Celui qui l'a dit et qui n'accepte pas que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il va être dans cette situation. Dites dans Surah Safat, verset 35. Quand on leur dit, dites la ilaha illallah, et si leur gueule, ils disent, nous allons délaisser notre divinité pour ce poète fou. Donc il est obligatoire d'accepter cette parole avec son cœur et avec sa langue. Et celui qui ne l'accepte pas, qui la rejette, qui s'enorgueille, il est mécréant. Comme l'ont rejeté les mécréants de Quraysh, par entêtement et par orgueil, ils ne l'ont pas accepté. Il est obligatoire d'accepter tout ce qui vient minallah, tout ce qui vient minallah azza wa jal, de ne rien rejeter et d'accepter tout ce qui vient du prophète alayhi salam et de ne rien rejeter. La huitième condition à l'islam, c'est le fait de m'y croire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Obligatoire de rejeter et de m'y croire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah et de confirmer l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est ça la signification de la ilaha illallah. Car la ilaha illallah contient la négation et l'affirmation. La négation de la mécréance et l'affirmation de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne doute ou s'arrête dans le fait de m'y croire en tarot, il n'est pas monothéiste à l'islam. Il est obligatoire de m'y croire en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui m'y croit en tarot, à tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la négation, la ilaha, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, l'affirmation, illallah, et le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a dit notre messager alayhi salatu salam, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, wa ghafara lah, celui qui dit la ilaha illallah, et qui me croit en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, bah, sa fortune est protégée, et son sang est protégé, et son compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fera. Et, frère en Allah azza wa jal, cette façon de science, de diviser les sujets de la science et de la religion en conditions, en piliers, etc. Sache, frère en Allah azza wa jal, ce n'est pas comme disent certains que c'est du domaine de l'innovation. Abadan al-Islam. mais c'est pour te faciliter l'air, pour faciliter aux communs et aux novices et aux débutants demandeurs de la science, pour le faciliter la demande de la science. Hein? Et les hommes de science résument, détaillent, et des fois ils construisent, ils font des poèmes pour que ce soit facile à la mémorisation. Et il est obligatoire pour nous de suivre leur chemin pour arriver avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour nous d'avoir les fondements et de maîtriser les règles et les fondements qu'ont extrait les hommes de science de la parole d'Allah, de l'authentique de la sunna et de la voix du noble compagnon et ceux qui les suivent à la perfection. Ces conditions, frères en Allah, azza wa jal, de la ilaha illallah, sont extraites du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète alayhi salam. Comment les hommes de science ont suivi la parole d'Allah et ont suivi la parole du prophète alayhi salam? Ils ont extrait tout ceci de la parole d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salam. Comme tu le vois, à chaque condition, tu as plusieurs versets qui le prouvent. Et tu as plusieurs hadiths qui le prouvent à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie d'un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait, qu'il y a des hommes de science qui se fatiguent, qui donnent leur temps, leur vie, pour rapprocher cette science de cette religion au commun des musulmans. Et les conditions de la... que Muhammad est le messager d'Allah, c'est le fait de reconnaître que son message, de reconnaître son message et d'y croire dans son fort intérieur, et aussi de le prononcer et de le reconnaître avec ta langue, et aussi de le suivre. Et tu mets en application la vérité qu'a ramené ce messager alayhi salatu wassalam, et tu délaisses le faux qu'il t'a interdit, et de prendre comme véridique toutes les nouvelles de l'invisible, tout ce qu'il t'a annoncé de l'invisible, des populations qui sont passées avant nous, et de ce qui va arriver dans le futur. Et de l'aimer plus que toi-même, plus que ta femme, tes enfants, ta fortune et tous les gens. Et de mettre en avant sa parole. Tu mets la parole du messager alayhi salam devant toute autre parole, et tu mets en application sa sunna alayhi salatu wassalam. Et nous arrêtons là aussi pour aujourd'hui, inshallah. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu lakum, jazakumullahu khairan.